Au début de l'univers, il y a le Big Bang. Au début de l'humanité, il y a Mama Africa. Il n'y a pas de frontières, pas non plus de sans-papiers. Ont exporté la musique d'Atacora à Santa Cruz, Porto Novo à Santiago et de Baniquara au faubourg de La Havane. C'est le langage universel de la Pachamama. Nous sommes tous africains, de Paris à Pékin, de Cotonou à Cuba. Botswana, Kenya ou Ghana. Mama Africa, et la musique de Cuba. Débarqué à Panama, Puerto Plata, Trinidad et Tobago. Mama Africa, et la musique de Cuba. Parti d'Ouganda, Congo, Sénégal ou Togo. Mama Africa, et la musique de Cuba. Débarqué à Antigua, Jamaica ou Puerto Rico. Mama Africa, et la musique de Cuba. Mama Africa.